Les mesures les plus précises à ce jour du champ magnétique qui existait il y a plus de 4 milliards d'années dans notre système solaire viennent d'être rapportées dans un article paru dans la revue américaine Science. C'est en étudiant de très près une météorite particulière que l'équipe menée par Roger Fu du Massachusetts Institute of Technology a pu mesurer l'aspect qu'avait le champ magnétique dans le système solaire primordial. Une première. La météorite exploitée pour cette mesure assez incroyable est ce qu'on appelle une chondrite, qui est en fait un débris d'astéroïdes produit par de multiples collisions et qui s'est retrouvé par hasard dans l'orbite de la Terre et y est tombé le 26 octobre 1940. La météorite que Roger Fu et son équipe ont exploitée s'appelle Semarkona. Elle doit son nom à l'endroit où elle est tombée, dans le Madhya Pradesh en Inde. Elle pèse exactement 691 grammes. Ces météorites sont restées telles qu'elles étaient depuis leur formation au tout début de la naissance du système solaire. Elles sont constituées de nombreux petits grains, appelés des chondrules, qui font une taille de l'ordre de 1 mm de diamètre. Les chondrules sous forme cristalline eux-mêmes se sont formés par fusion de grains rocheux lors de collisions dans la nébuleuse solaire, ce nuage de gaz poussiéreux qui entourait le Soleil tout juste après son allumage. Et le point crucial ici, c'est que ces chondrules contiennent des minéraux à base de fer, qui se sont retrouvés naturellement magnétisés par le champ magnétique présent dans le nuage de gaz au moment de la formation de ces chondrules, qui devinrent alors des sortes de petits aimants. Une fois refroidie et cristallisée, l'empreinte du champ magnétique est donc restée figée à jamais jusqu'à ce qu'un morceau de chondrite vienne s'écraser sur la Terre quelques milliards d'années après. Les chercheurs ont réussi à mesurer la valeur du champ magnétique emprisonné dans les grains de chondrules et ils trouvent une valeur de 54 microtesla. Cette mesure du champ magnétique n'est pas intéressante que pour elle-même ou l'exploit qu'elle représente. Elle permet aussi, et surtout, indirectement de comprendre comment se sont formés les premiers blocs rocheux du système solaire, les ancêtres de nos planètes. Steve Desch, co-auteur de l'étude, explique que pour produire de telles chondrules magnétisées par fusion, des ondes de choc devaient être présentes à travers la nébuleuse solaire, avec un champ magnétique de fond à cette époque-là qui devait se trouver compris entre 5 et 50 microtesla, en fonction de l'intensité des ondes de choc. Cette explication est préférée à d'autres alternatives, car si par exemple la magnétisation des grains était due au passage de l'astéroïde initial dans une zone d'éruption magnétique solaire, cela aurait produit un champ magnétique gelé dans la chondrite beaucoup plus intense que celui qui a été observé dans ces Semarkona. Cette mesure est la première mesure aussi précise et robuste du champ magnétique qui existait au début de notre système solaire. On le voit, elle permet en outre de contraindre les modèles de formation des premiers corps rocheux du système solaire à une époque très lointaine où le système solaire ne ressemblait encore qu'à un vaste disque de cailloux et de poussière. L'article relatant cette jolie mesure a été publié dans Science sous le titre Solar Nebula Magnetic Fields Recorded in the Semarkona Meteorite. Le 13 novembre 2014.